Méditons ensemble le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné sa vie, il est bon. Il nous a donné sa paix, il est bon. Il nous a donné sa joie, il est bon. Et voyez comme il est bon, il est bon. Voyez, voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon. Il est bon pour me TV, il est bon pour toi. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez comme il est bon. Il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Alléluia! Amen! C'est avec ce beau chant que nous vous souhaitons bienvenue à Méditons ensemble pour les jeunes! Je suis Alexis Plignon-Bracois. À l'animation et à la mise en onde, nous avons tonton Emmanuel Yao. Cet après-midi, je ne suis pas seule, vous le savez, avec ce chant, je n'ai pas pu le chanter toute seule. Je suis avec la jeunesse de la mission évangélique Torrent de Vie d'Adjamé Williamsville. Ils sont représentés par 3 membres de leur bureau. Ils vont se présenter. Je commence par le président. Shalom, shalom, frères et sœurs. Je suis Kofi Kwame Toussaint, le président de la jeunesse mission évangélique Torrent de Vie 6 à Williamsville. Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Je suis le frère Yaïdi Eric Venanso de l'église de mission évangélique Torrent de Vie qui est située à Adjamé Williamsville, dirigée par le pasteur Oula Marus. Et je suis le premier responsable de la communication de l'église. Shalom, frères et sœurs. Je suis le frère Aimé Loukou, responsable adjoint à la communication de l'église. Bienvenue à nos invités. Aujourd'hui, 4 mars est un jour spécial pour moi car c'est le jour où on célèbre ma naissance. Je suis née le 4 mars, 1900X. Et aujourd'hui est un jour vraiment spécial pour moi. Je me souhaite joyeux anniversaire. Merci. On va méditer la parole de Dieu qui nous est proposée par le Rendez-vous avec Dieu édition 2020 pour ce jour du 4 mars 2020. Et le texte que nous propose notre guide de méditation est celui de Actes, le chapitre 13, les versets 34 à 43. Mais avant de passer à la lecture du texte, nous allons faire la prière d'introduction et nous prions avec le président Kofi. Nous prions le Seigneur. Père Saint, c'est en ton nom que nous sommes réunis. Et nous demandons ta clémence, nous recevons ton esprit, afin d'être excellent, afin de mieux diriger les choses. Père, je prie que tu sois le parrain de ce moment et que tu ouvres notre entendement, tu nous donnes la sagesse, l'intelligence et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. Nous allons passer à la lecture de notre texte dans la version 8 secondes et nous faisons la lecture avec le frère Loukoun. Verset 34. Qu'il ait ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant « Je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ces grâces qui sont assurées. » C'est pourquoi il dit encore ailleurs « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes. Voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Lorsqu'il sortit, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et, à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes à Méditons ensemble pour les jeunes. Et ce jour, nous sommes en compagnie de la jeunesse de la mission évangélique Torrent de Vie, représentée par son président et par deux membres de la communication de la dite jeunesse. Nous allons passer à l'observation de notre texte qui vient d'être lu par le frère Loukou et qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 13, les versets 34 à 43. Nous allons présenter le livre dans lequel nous méditons cet après-midi ainsi que son auteur. Nous allons en un premier temps présenter le livre des Actes des Apôtres. Ici, le livre des Actes des Apôtres est un livre du Nouveau Testament et il a été écrit par Luc. Il contient 28 chapitres. Il a été écrit aussi aux années 80 et 90. Et l'auteur qui est Luc est un médecin de profession qui était le disciple de Paul. D'accord, nous allons passer au contexte dans lequel notre passage a été écrit. Je rappelle que nous méditons les versets 34 à 43 du chapitre 13 du livre des Actes des Apôtres. Est-ce qu'on peut rappeler un peu dans quel contexte ces versets ont été écrits? Oui, le contexte dans lequel ce verset a été écrit était dans la synagogue à Antioche où la parole était donnée à Paul d'exhorter ses bien-aimés frères. Donc Paul qui se trouve à Antioche avec Barnabas a la parole pour pouvoir apporter une exhortation dans la synagogue d'Antioche. Ainsi que Paul continue son exhortation qui a commencé les jours passés, avant-hier, hier, et qui se poursuit aujourd'hui. De quoi est-il question aujourd'hui? De quoi parle le texte de ce jour? Oui, Loukou. Le texte de ce jour parle de la foi en Jésus qui sauve du péché. La foi en Jésus qui sauve du péché. Est-ce que vous avez un découpage à proposer afin de mieux comprendre ce thème? Oui, dans ce texte, nous avons un découpage ici à proposer pour amener les auditeurs à mieux comprendre ce texte. Du verset 34 au verset 39, du verset 40 au verset 41 et du verset 42 au verset 43. Donc nous avons trois parties dans notre texte. Nous allons aborder la première partie de notre découpage qui part du verset 34 au verset 39. Quel thème pouvons-nous donner à cette partie? Le titre que nous avons donné à cette partie-là est que Jésus a le pouvoir de pardonner de tout péché. Qu'est-ce qu'il montre dans le texte que Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés? Oui, Loukou. Au verset 38, il a dit: sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses que vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Donc, en ce verset-là, nous voyons que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous délivre, qui nous pardonne du péché. Mais avant d'arriver à cette conclusion, quelle comparaison Paul avait-il fait? La comparaison que Paul a faite ici, c'est qu'il compare Jésus-Christ de Nazareth à David. C'est-à-dire, dans ce passage-là, on voit que ces personnes-là de la synagogue croyaient en David. Ils croyaient que David était celui-là même qui était le Messie qui représentait le Seigneur, qui était l'homme selon le cœur de Dieu. Mmh. Et là, Paul vient parler de Jésus-Christ de Nazareth qui est plus grand que David, car lui, il est mort et il est ressuscité. Alors que David, lui, est mort et il a été enterré. Tout ça pour montrer la grandeur du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Paul démontre ici la grandeur de Jésus vis-à-vis de David, qui lui n'était pas considéré comme le Messie, mais plutôt une personne de référence, car il était considéré comme la personne que Dieu aimait le plus à cause de son comportement. Il dit, ce David-là que vous avez connu comme un saint homme est mort, il n'est resté avec ses pères, alors que Jésus que vous avez crucifié, celui-là est mort, mais il est ressuscité pour pouvoir vous accorder le pardon du péché. Nous allons aborder la deuxième partie de notre découpage qui part du verset 40 à 41. Et quel titre avez-vous donné à cette partie? La deuxième partie qui part du verset 40 à 41 est une mise en garde. C'est une mise en garde, oui. Que Paul nous donne. Comme il a dit ici au verset 40, il dit ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qui est dit par le prophète. Voyez comme tempteur, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vous vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Il les mettait en garde contre les critiques, les murmures qu'ils avaient, parce qu'ils les attendaient comme tempteurs, ceux-là même qui ne craignaient pas, qui ne croyaient pas, qui doutaient. Donc, qui étaient incrédules, on va dire. Mais quel jugement est réservé à ces personnes? Le jugement réservé ici à ces personnes est que si tu doutes de Dieu et que tu es orgueilleux, tu ne peux pas avoir le salut. Donc, pour avoir ce salut, il ne faut pas douter de Dieu, il faut croire en Christ. D'accord. Donc, ces personnes qui ne croient pas en Christ seront jugées. Nous allons passer à la troisième phase et la dernière phase de notre découpage qui part du verset 42 au verset 43. Et quel titre avez-vous donné? Oui, cette dernière partie a un titre très intéressant qui dit « La soif de la parole ». Et cette parole-là, c'est la parole de Dieu. Donc, en tant que chrétien bien-aimé, nous devons avoir la soif de la parole. Dans le verset 42 et 43 qui le dit, lorsqu'il sortit, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivaient Paul et Barnabas qui s'entretirent avec eux et les exhortèrent à rester attachés à la grâce de Dieu. Donc on voit bien que les gens de la synagogue suivaient Paul et leur ont même demandé de revenir le sabbat prochain pour avoir encore une telle exhortation, car ils avaient soif effectivement de la parole de Dieu. D'autres même n'ont pas pu attendre le sabbat prochain. Ils ont suivi Paul afin de recevoir encore l'exhortation et l'enseignement de la parole de Dieu. Nous venons ainsi d'achever la phase de l'observation de notre texte. Nous allons passer à son interprétation. Est-ce qu'il y a dans le texte des exemples à suivre et à ne pas suivre? Il ressort de ce texte plusieurs exemples à suivre. D'abord, l'exemple des chrétiens d'Antioche qui, après que Paul ait fini d'exhorter et d'enseigner, l'ont suivi après le message pour lui demander de revenir le sabbat prochain pour continuer à les enseigner. Cela traduit leur soif de la connaissance de Dieu, le désir d'apprendre beaucoup sur le Seigneur Jésus-Christ. Et en tant que chrétien, nous devons avoir cette soif-là en nous. La soif de connaître Dieu, la soif de marcher comme Dieu veut et la soif de le suivre. Donc comme les chrétiens de la synagogue d'Antioche, nous devons avoir la soif de la parole de Dieu, la soif de la présence de Dieu, la soif de la connaissance de Dieu. Et aujourd'hui, pour ces personnes qui ont soif de la parole de Dieu, quelle alternative leur est donnée aujourd'hui? Responsable Kofi. Oui, pour ceux qui ont la soif de Dieu, vraiment, ils doivent s'attacher à la parole de Dieu. Méditer, ils doivent aussi regarder à la direction de Dieu. Donc, aujourd'hui, nous avons la Bible qui est écrite et il y a plusieurs versions. Voilà. Donc, choisir une version dans laquelle on se sent à l'aise et méditer la parole de Dieu afin de pouvoir, comme le président Kofi l'a dit, être en connexion avec Dieu et connaître Dieu. Un autre exemple à suivre. Un autre exemple à suivre, je pense que c'est celui de Paul et son frère Barnabas qui était infatigable. Vraiment dans l'annonce de l'évangile. Il parcourait de ville en ville pour annoncer vraiment la parole qui sauve, la parole de Dieu. Donc comme eux, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons vraiment sans se lasser, comme la parole de Dieu l'a si bien recommandé, aller partout dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, prôner la parole de Dieu. Évangile. Donc comme Paul et Barnabas, nous aussi, nous ne devons pas nous lasser d'annoncer la parole de Dieu. Nous devons être des gens infatigables comme étaient Paul et Barnabas. Mais qu'est-ce qu'on peut dire aussi d'eux, à part qu'ils avaient la capacité d'annoncer sans cesse la parole de Dieu? On peut dire aussi qu'ils avaient la connaissance. Oui, bien sûr, j'avais la connaissance. C'est pourquoi Paul même réclamait cela de son fils Timothée, de vraiment graver l'enseignement vraiment qui lui est donné sur un tableau afin de la méditer jour et nuit. Parce que pour annoncer la parole de Dieu comme Paul et Barnabas, il faut vraiment maîtriser la parole de Dieu. C'est pourquoi il est bon de méditer jour et nuit la Bible. Voilà. Donc il est important de méditer la parole de Dieu afin de la connaître pour pouvoir la communiquer à notre entourage, est-ce qu'il y a des exemples à suivre, d'autres exemples? Non, il n'y a plus d'exemples à suivre, on va passer aux vérités. Quelles sont les vérités qui nous sont révélées dans le test très cher responsable Yaï? La vérité ici qui est là est que nous devons croire que Jésus est Seigneur. Il est mort pour nos péchés. Il est ressuscité aussi pour nos péchés aussi. D'accord. Donc le Seigneur Jésus est mort pour nos péchés. Il est aussi ressuscité pour nous donner le salut. Oui, une autre vérité. Notre vérité que nous pouvons tirer de ce passage, c'est que Jésus-Christ de Nazareth a le pouvoir de nous pardonner du péché. Mm-hmm. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous culpabiliser, car Jésus-Christ est mort pour nous, il est mort pour nous sauver. Donc à chaque fois que nous péchons, nous devons revenir à Christ pour qu'il nous pardonne nos péchés et il nous pardonnera nos péchés. D'accord. Donc le Seigneur Jésus est mort pour le pardon de nos péchés et Lucou l'a dit. À chaque fois que nous péchons, nous devons revenir à Christ. C'est vrai, il est amour. À chaque fois que nous péchons, si nous revenons, il va nous pardonner. Mais ce n'est pas une raison pour aller pécher aussi à chaque fois. Voilà, nous devons prendre la résolution de ne plus recommencer ce que nous avons confessé afin de pouvoir vivre une vie de sanctification. Qu'est-ce que nous voyons encore comme vérité dans le test, une autre vérité? Ici, la vérité que nous pouvons encore revoir est que nous devons toujours, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours avoir la soif de la parole de Dieu. Parce que c'est elle qui va nous faire grandir, c'est elle-même qui a la connaissance, c'est elle qui a la vérité. Donc, en tant que chrétiens, si nous pensons que nous sommes remplis de la connaissance, bien-aimé, ce n'est pas logique. Donc, peu importe la connaissance que nous avons en nous, la parole de Dieu, nous avons toujours besoin d'elle et c'est elle-là qui va nous orienter. Donc nous devons avoir soif de la parole de Dieu. La vérité que nous voyons encore, c'est que les chrétiens doivent manifester la soif de la parole de Dieu. Voilà, il ne suffit pas d'aller à l'église seulement que le dimanche et après le dimanche aller à la maison, jeter sa Bible et aller la rechercher encore le dimanche prochain pour retourner à l'église. Non, nous devons méditer la parole de Dieu au moyen d'un guide de méditation comme le lecteur de la Bible par exemple, et aussi assister aux réunions du soir, au culte du soir, aux cellules. Tout ça, ce sont des moyens pour apprendre à connaître Dieu, ce sont des moyens de développer la soif de Dieu. Est-ce qu'il y a une autre vérité qui nous est révélée, une autre vérité que vous voyez? Oui, la vérité ici est que quand tu crois, tu es libre, tu es sauvé de tout et tu as la vie éternelle. Donc que tu sois libre, il faut croire en Jésus-Christ. Comme le verset 39 nous dit, et que quiconque croit est justifié par lui, et toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Donc tous ceux qui croient sont justifiés, ils sont libérés de tout lien qui les oppressait. Nous allons passer aux avertissements. Est-ce qu'il y a un avertissement dans le texte? Nous avons vu qu'il y a une mise en garde. De ce texte, il ressort un avertissement au niveau du verset 40 à 41. Le Seigneur nous dit de prendre garde. Prendre garde, c'est un avertissement. C'est-à-dire, il ne faut pas être contempteur. Car ce qui a été dit dans les prophètes, c'est-à-dire que quand Jésus reviendra, il viendra pour juger son peuple. Donc, nous ne devons pas être contempteurs. Nous devons chercher à connaître Dieu, marcher comme Dieu veut. Nous devons chercher à faire sa volonté. Car quand il viendra juger son peuple, c'est sur nos actes qu'il nous jugera. Donc, c'est un avertissement pour ne pas aller dans la douleur, pour ne pas souffrir après la mort. Nous devons marcher comme Dieu veut, faire ce que Dieu veut, marcher dans l'humilité et avoir cette soif-là de Dieu. On ne connaît pas. Il faut toujours désirer connaître Dieu davantage. D'accord. Nous allons passer à la phase de l'application. Président Kofi, quel est le verset dans cette méditation qui vous touche le plus et pourquoi? Je pourrais dire le dernier verset vraiment m'a beaucoup touché. Le verset 43. Ici, dans une version que j'aime tant, la version Semeur, il est dit que quand l'assemblée se fut dispersée, beaucoup de juifs et de païens convertis au judaïsme suivirent Paul et Barnabas. Ceux-ci s'entretenaient avec eux et les encourageaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Et donc voici le but que nous devons tous rechercher. Nous devons rechercher vraiment à ramener ces personnes qui demeurent encore dans le monde vraiment à Christ. Et donc vraiment cette partie-là m'a touché parce que l'œuvre de Paul a vraiment payé dans la mesure où ces païens-là, ces juifs-là s'attachaient à Dieu, revenaient à Dieu, se convertissaient. D'accord. Merci pour le partage. Nous allons prendre la conclusion du responsable Yaï. Qu'est-ce que nous devons retenir comme conclusion de cette méditation? Bon, ce que nous avons à retenir dans cette méditation est que nous devons d'abord savoir, comme l'a dit l'idée générale, que la foi en Jésus Christ nous donne d'être sauvés du péché. Donc, quand tu as la foi en Christ, tu es sauvé. Et en tant que chrétien, nous devons aussi retenir ces mises en garde que Paul enseignait, parce que chaque fois, nous pouvons aussi tomber dans les erreurs. Donc, quand Paul parle des mises en garde, c'est qu'elles sont déjà là. Nous devons faire de nos efforts pour les éviter, afin que nous ne tombions pas dans ces erreurs. D'accord. Nous allons prier avec le président Kofi. Nous allons prier pour la jeunesse en général, afin que le Seigneur nous aide à avoir soif de la parole de Dieu, comme avaient soif ces gens du temps de Paul. À avoir soif de la parole de Dieu et à la rechercher, cette intimité-là avec le Seigneur qui nous donne de le connaître et de pouvoir surtout mettre en pratique sa parole. Prions avec le responsable Kofi. Père Saint, je te dis merci pour cette parole qui vraiment a été annoncée. Seigneur, je prie pour la jeunesse que nous sommes. Je prie pour que ta parole remplisse nos cœurs. Parce que lorsqu'elle vient dans notre cœur, elle fait de nous une nouvelle personne. Une personne pas selon un homme, mais selon toi. C'est pourquoi, Seigneur, je prie que ta parole remplisse les cœurs de la jeunesse. La jeunesse aujourd'hui qui est attachée à des choses vaines, à des choses périssables, comme Salomon pouvait le dire, oui, que tout est vanité, mais ta parole qui sauve. Seigneur, je prie que, Seigneur, cette parole-là, nous ayons soif à la connaître. Cette parole-là, nous ayons faim à la manger. Seigneur, aide-nous. Aide la jeunesse que nous sommes. Que ton esprit, maintenant, nous donne de garder jalousement cette parole et de marcher selon elle pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Nous sommes au terme de cette méditation. Vous pouvez trouver le commentaire de ce texte à la page 76 de notre guide de méditation, le rendez-vous avec Dieu, qui existe aussi en application sur Play Store. Vous pouvez télécharger le rendez-vous avec Dieu 2020. Merci à nos invités, merci au président Kofi, merci au responsable Yahi et aux responsables locaux qui ont bien voulu répondre présent à cette méditation. Nous serons avec eux durant tout le mois de mars pour méditer la parole de Dieu. Nous, c'est un bon retour et rendez-vous la semaine prochaine pour un autre moment de méditation de la parole de Dieu. Merci à vous, très chers auditeurs, pour votre fidélité et votre écoute. Nous vous donnons aussi rendez-vous le mercredi prochain. Comme je le disais, nous serons encore avec la jeunesse de la mission évangélique Torrent de Vie d'Adjamé et William Civil pour un autre moment de méditation de la parole de Dieu. Mais d'ici là, portez-vous bien et que la soif de la parole de Dieu soit en nous tous. Shalom et que Dieu vous bénisse. Méditons ensemble. Le rendez-vous quotidien avec Dieu à travers la réflexion sur les Saintes Écritures. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105.